Chapitre 43. Le non-espace, le grand hall des Nils. Les Nils s'étaient rassemblés. Une véritable armée de quelques milliers d'individus masqués et terrifiants. Ils observaient en silence. Au-dessus du grand hall, un champ d'énergie en forme de dôme protégeait la plateforme du vide du non-espace. D'ordinaire, il demeurait invisible, mais à présent des images y défilaient, projetées par des droïdes com en suspension dans les airs. « Pour les Nils !» fit la voix de Cassave tonitruante et féroce. Un millier de bouches, toutes mortes à présent, lui répondirent d'un cri. « Pour la tempête !» La bataille de cœur débuta, présentée sous forme d'images diverses, depuis les plans tactiques jusqu'aux enregistrements de caméras embarquées, voire aux plans plus larges assemblés par les algorithmes de calcul des droïdes com. Les Nils regardaient, tout comme Mark Yonro depuis la table surélevée au bout du hall, Lournadi et Panetta à ses côtés. Un des sièges restait vide pour celui qu'ils avaient perdu. L'œil et les maîtres tempêtes portaient leur masque habituel, mais celui de Markion était nouveau. Plus complexe, il portait un motif rappelant celui d'une couronne, et la gravure de l'ouragan était désormais intégrée dans un disque rouge vif, tel l'œil malveillant d'un monstre. La tenue de Ro avait changé, elle aussi. Il était à présent vêtu d'un épais manteau de fourrure, abîmé et déchiré par endroits, mais l'usure témoignait du passé, de batailles livrées et remportées. Et pour cause, c'était celui d'Asgard Ro. Cassave croyait qu'avec ses équipes, il allait nous sauver tous, nous protéger, empêcher la République de découvrir nos secrets, déclara l'œil des Nils. C'était un piège, un mensonge. Regardez-les fondre sur lui. La République et les Jedi ont traqué la tempête de Cassave comme de la vermine. Des murmures parcoururent la foule tandis que les Nils regardaient les vaisseaux succomber un par un sous les tirs de leurs assaillants. Des vaisseaux qui arboraient la même bannière que celle qui figurait sur leurs masques, leurs vêtements, leurs corps. « Mais, regardez !» poursuivit Mark Yonro en désignant la bataille qui faisait rage au-dessus d'eux. « Voyez ce que Cassave et les siens ont accompli. »« Montrez-leur qui nous sommes !» C'était la voix de Cassave à nouveau, et la phase suivante de l'affrontement commença, les Nils employant de nouvelles tactiques agressives, bombes à radiation, déjections toxiques et capsules de sauvetage explosives. Nos frères et sœurs ont refusé de se battre selon les règles de la République, expliqua Mark Yonro. Ils ont combattu comme des Nils. Rugissement d'approbation. Pas suffisamment sonore pour ébranler le grand hall, et il y avait encore trop d'incertitudes, mais c'était un début. Les Jedi engagèrent le combat et l'affrontement tourna de nouveau au désavantage des Nils. Les Vectors fusaient à travers le champ de bataille comme des projectiles, tout en mitraillant leurs adversaires. Une autre voix résonna au-dessus du grand hall, celle de Mark Yonro cette fois. « Je suis l'œil, et je vous fournirai ce dont vous avez besoin pour vaincre nos ennemis. Voici les sentiers de guerre, mes amis, et avec eux, vous ne pouvez pas perdre. » L'équilibre changea encore. Les vaisseaux de la tempête de Cassave sautaient d'un point à l'autre, impossible à abattre, et ils mettaient en pièces Skywing, Longbeam et Vector. L'enthousiasme se répandit comme une vague parmi les Nils. C'était un sentiment nouveau, puissant. « Oui, » dit Mark Yonro, « les sentiers sont notre force. Mais l'effectif de Cassave restait limité. » Et il n'a pu faire mieux, même avec tout ce que je lui ai donné. Regardez néanmoins ce qu'il a accompli. Regardez ce que lui et les siens ont accompli. Les vaisseaux des Nils commencèrent à s'écraser contre ceux de la République, provoquant d'effroyables dégâts en emportant leurs équipages. Une certaine inquiétude naquit chez les spectateurs. « Je ne m'attendais pas à ça », déclara Mark Yonro. J'ignore si nos compagnons agissaient sur ordre de Cassave, ou s'ils ont simplement décidé qu'ils en avaient assez qu'on les prive de leur liberté, assez que la République leur dise quoi faire en s'imaginant pouvoir contrôler nos planètes, tuer les nôtres, et... Bref, Il désigna l'affichage. Il existe un point de rupture pour chaque être. Un moment où il choisit la liberté plutôt que la tyrannie. C'est ce qu'ont fait les compagnons de Kassav. Pour eux tous. Et pour nous. Le silence s'était abattu sur la foule. L'œil fit un autre geste et le combat se figea. « Nous sommes les Nils, » dit Markionro. Il y eut quelques acclamations ténues qui se turent bien vite. « Je suis l'œil, Markionro. Je suis les Nils. Tout comme, » ajouta-t-il en tendant les mains vers son auditoire, « l'est chacun d'entre vous. » C'est le moment, pensa-t-il. Un pas de plus sur le sentier. Kassav et les siens sont morts afin de préserver notre liberté. Mais ce combat n'est pas terminé. La République va venir nous chercher. Et les Jedi aussi. Nous ne sommes plus des tempêtes, des orages, des nuages et des foudres. Nous ne faisons qu'un. Markionro porta les mains à son visage et retira son masque. Il se dressa là, embrassant du regard la foule devant lui. Son instrument, son arme, son armée. « Nous sommes les Nils ?» conclut-il. Dans tout le hall, d'autres masques tombèrent, quelques-uns seulement au début, puis en masse. Ils heurtèrent le sol avec de lourds bruits de ferraille. Markionro laissa errer son regard sur l'assemblée et il vit l'ardeur de ceux qui la composaient. Il comprenait. Il se retourna pour fixer Panetta et Lurnadi. Eux n'avaient pas retiré leur masque. « Allez, » dit-il doucement. Ils échangèrent un regard. Markion se demanda si l'on en viendrait aux armes ou si ces deux-là survivraient au bout du compte. Il avait une préférence pour la seconde option. Un travail énorme les attendait. Lentement, les deux derniers maîtres tempêtes ôtèrent leurs masques. Panetta se leva, raide. Son visage aux énormes défenses dépourvu d'expression, même si Markion n'était pas particulièrement doué pour déchiffrer les émotions des Dowoutine. Lurnadi, quant à elle, feignit la nonchalance en secouant ses lécous. Markionro se retourna vers les Nils qui attendaient. Avec un geste élégant, il brandit son masque. « Pour Kassav !» cria-t-il. Et cette fois, la foule répondit en l'acclamant, libérant toute sa tension et son angoisse dans un déferlement sonore. Les Nils pensaient que tout irait bien désormais. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu son visage. Cela n'avait pas d'importance qu'ils le voient maintenant. Il n'y en avait pas un seul qui savait qui il était. Il n'était pas Markionro non plus, il s'appelait... Non, aucune importance. L'endroit d'où il venait avait disparu. N'existait plus que dans les leçons qu'il en avait tirées et les rares outils qu'il avait dérobés en partant. Markionro baissa le bras et plusieurs droïdes serviteurs apparurent derrière la scène. Ils portaient des bols métalliques dans leurs bras mécaniques. Tous se dispersèrent en flottant au-dessus de l'assemblée, à l'exception de l'un d'eux qui s'arrêta devant Markion. Kassav a sacrifié sa vie pour préserver le mode de vie des Nils, tout comme l'a fait sa tempête, poursuivit-il. Il nous a montré la voie. Quoi que nous ayons pu être, toute cette fortune, cette puissance, ce n'est que le commencement. Et vous savez pourquoi? Laissez-moi vous montrer. Il effleura une commande à sa ceinture et l'image affichée par les droïdes changea. Il ne s'agissait plus d'un plan figé sur les derniers moments de la bataille de cœur, mais d'une image magnifique et complexe de la galaxie dans toute sa splendeur. Une vaste spirale en rotation lente, abritant d'innombrables mondes, d'innombrables richesses, d'innombrables occasions à saisir. La galaxie. Mais à y regarder de plus près. Je ne vois pas que des étoiles et des planètes. Je vois une tempête. L'image se mit à tournoyer plus vite, prenant l'aspect d'un énorme système climatique qu'un cyclone centré sur son œil. Nous sommes les Nils. Nous ne nous contentons pas de dompter la tempête. Nous sommes la tempête. Une nouvelle expression commençait à apparaître sur leur visage. Ils comprenaient. On pouvait même lire de l'émerveillement. Dorénavant, nous allons posséder la tempête. Nous nous sommes cantonnés à la bordure extérieure pour ne pas trop attirer l'attention, de crainte de gâcher une occasion en or. C'est terminé. Nous allons percer aussi loin que possible, sans pitié. Et nous allons nous emparer de ce que nous voudrons. Markion désigna le cyclone qui tournait au-dessus de leur tête. Les Nils vont se répandre dans toute la galaxie. Nouvelle acclamation sans la moindre hésitation. Markionro commença à faire les 100 pas sur la scène et désigna certains Nils pour les distinguer des autres. Il les vit sourire comme lui, détecta l'expression de jalousie chez leurs collègues. J'ai dans mes archives des sentiers qui nous conduiront aux quatre coins de la galaxie. Nous pouvons nous rendre là où nous le souhaitons, prendre tout ce que nous voulons. L'Inasso a tenté de nous détruire avec sa République et les Jedi, mais le sacrifice de Cassav nous a fait gagner du temps. Du temps pour bâtir, pour planifier, pour grossir nos rangs. Le jour viendra où nous apprendrons à la République que l'on ne peut pas nous détruire. Ils craindront les Nils. Et s'ils essaient encore de nous arracher notre liberté, nous les réduirons en miettes. Markion tendit la main vers le droïde serviteur en suspension près de lui et plongea les doigts dans le bol qu'il tenait. Quand il les ressortit, ils étaient rouges. Par le sang de celui qui a tout donné pour nous. Cassav! Avec trois doigts, Markion traça des zigzags sur son visage. La foudre. Le sang. Les droïdes serviteurs descendirent vers la foule et il vit les Nihils reproduire son geste, puisant dans le sang pour tracer trois éclairs sur leur visage. Y en aurait-il certains pour se demander comment on pouvait tirer tant de sang d'une seule personne, ou comment il se l'était procuré puisque Cassav était mort dans l'espace? Markionro l'ignorait, mais ça n'avait pas d'importance. L'essentiel, c'était qu'aucun d'eux ne poserait jamais cette question, parce qu'ils considéraient le doute comme une faiblesse, et que les Nihils restaient forts en éliminant leur faiblesse. Tourne. Tourne la roue du destin, songea-t-il en levant les yeux vers la galaxie pour contempler la tempête. « Allez, » dit Markionro, « amenez-moi d'autres Nils, autant que vous le pourrez. » Son visage se fendit d'un large sourire. « Et je vous donnerai absolument tout. » Marie Santeca dormait. Elle paraissait sereine, enveloppée dans un cocon de câbles, de bras mécaniques et de systèmes de surveillance. Tout l'équipement requis par sa nacelle médicale pour maintenir cette très vieille femme en vie. Repose-toi bien, ma chère, murmura Markionro en posant une main sur la capsule médicale dont émanait une douce chaleur. Tu as énormément à faire. Elle ressemblait à un fœtus, minuscule et rabougri, couché sur le côté, les mains recroquevillées contre la poitrine. La nacelle médicale était une sorte de matrice inversée. Même si Markionro doutait que la galaxie abritât une autre humaine plus éloignée du ventre maternel que celle-là. Il avait dit la vérité au Nil. Il possédait bel et bien des archives qui contenaient des milliers de sentiers. Marie avait passé des décennies à répertorier les routes secrètes traversant toute la galaxie, et sa base de données les stockait toutes, les rendant disponibles à volonté. Les Nihils pouvaient surgir là où ils le souhaitaient, fût-ce sur le toit du palais de la chancelière Sceaux si l'envie leur en prenait. Il se demanda combien de temps encore Marie survivrait. Assez longtemps, sans doute. Il avait trouvé un fournisseur capable de lui procurer ce nouveau médicament miracle, le Bacta, ce qui l'aiderait probablement à prolonger son existence. La substance venait d'un monde situé dans le système Hetzal. L'ironie l'avait fait rire. Dire qu'il avait failli détruire cette planète. Markionro se détourna de la forme endormie de Marie Santeca. Il quitta la salle et descendit trois ponts plus bas dans son vaisseau amiral. Il traversa de splendides couloirs en arche, de vastes galeries où l'on prononçait autrefois des sermons, où l'on bâtissait des rêves, où des familles travaillaient et préparaient l'avenir pour se façonner une vie meilleure. Jusqu'à ce qu'un jour tout s'arrête. À présent, le gaz électrique était désert, hanté. Finalement, après un long trajet à travers l'immense vaisseau, Mark Yonro parvint à une section où régnait une atmosphère bien éloignée de celle de la chambre tranquille et tamisée où Marie Santeca égrenait son existence infinie. Ici, les lumières étaient vives, les angles aigus, toutes les surfaces réfléchissantes. On ne pouvait se tourner nulle part pour chercher la paix, et même en fermant les yeux, on n'échappait pas entièrement à l'éclatante luminosité. Les parois étaient métalliques comme le sol. 8 cellules. 7 abritaient des prisonniers livrés par Panetta, des moins que rien arrachés à un transport de passagers à destination de Travnin. Des gens ordinaires qui ne méritaient certainement pas qu'on les emprisonne sur le vaisseau amiral de l'Œil des Nils. Pas de chance, la vie n'offrait que rarement ce que l'on méritait. 7 des cellules occupées étaient reliées au système électrique du vaisseau et programmées pour électrocuter les prisonniers à intervalles et intensités aléatoires. Ces chocs et la luminosité rendaient le sommeil impossible. L'enfermement dans l'une des cellules du pont carcéral du gaz électrique vous condamnait à la colère, à la douleur, à la peur et au bout du compte à la folie. Et tout ceci avait été conçu spécifiquement pour l'homme qui occupait la 8e. Le Jedi. Mark Yonro traversa le couloir, passa devant toutes les cellules de torture et arriva devant la dernière. Le Jedi leva la tête, le visage calme mais les yeux fatigués. Il pouvait bien faire mine de conserver sa sérénité, le bouleversement émotionnel qu'il percevait forcément chez les autres prisonniers produisait de toute évidence l'effet escompté. Il devait également souffrir avec sa vilaine fracture à la jambe. Mark Yon ayant naturellement pris soin de ne pas lui laisser bénéficier du centre médical de pointe, situé seulement quelques ponts plus haut. D'un geste vif, le Twi'lek leva une main et tendit 2 doigts tout en prononçant une simple phrase. « Vous allez tous nous libérer. » Mark Yon sentit la pression qu'exerçait la volonté du Jedi en se répandant dans son esprit. Il désirait faire ce que le Twi'lek lui demandait. « Pourquoi pas après tout ?» Parce qu'il était Mark Yonro. Il sourit. Ça n'arrivera pas, Jedi. Ma famille savait tout de vous. On m'a expliqué ce que vous étiez capable de faire et comment résister. Il désigna d'un geste vague les autres cellules. Eux non plus ne sortiront pas. S'ils meurent, j'en ferai amener d'autres. Leur travail consiste à remplir ce pont tout entier de douleur, de colère et de terreur. Ça ne t'aide pas à réfléchir, pas vrai? Difficile de faire appel à la force. Il s'adossa au mur et croisa les bras. C'est ma grand-mère qui m'a transmis cette méthode. Elle la tenait de la sienne. On n'emprisonne pas les Jedi derrière des barreaux. On les enferme dans la douleur. Je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer auparavant, mais on dirait que ça fonctionne assez bien. L'un des prisonniers gémit. Trop faible pour crier, sans doute. Le Jedi ne regarda pas. Il ne détachait pas les yeux du visage de Mark Yonro. Quel est ton nom? Je ne peux pas me contenter de t'appeler Jedi. Loden Greatstorm. Mark Yonro écarquilla les yeux. Il s'écarta du mur. Loden? Grande tempête? Par les sentiers, c'est tellement parfait. Quel plaisir de te rencontrer, mon ami. Je crois que nous allons réaliser de grandes choses ensemble. Lesquelles? Demanda Loden. Pourquoi fais-tu tout ça? Mark Yon éclata de rire. Tu veux que je te révèle mon grand plan, Jedi? Ce n'est pas mon genre. Les plans peuvent échouer à n'importe quelle étape. J'ai un objectif et on peut atteindre ces objectifs de bien des façons. Tant qu'on arrive là où l'on veut se rendre au bout du compte, les routes qu'on emprunte n'ont aucune importance. Toutes représentent le même trajet. Ton objectif alors? Mark Yonro réfléchit un moment pesant ses mots. Quand mon père est mort, j'ai hérité d'une organisation fragmentée, brisée. Les Nihil étaient puissants, mais ils passaient leur temps à se battre entre eux. Il leur était impossible de réaliser leur véritable potentiel, ce qui pourtant était indispensable si je voulais en faire l'arme dont j'avais besoin. Mon père a tenté de changer les choses, mais il a échoué. Et on l'a assassiné. Nouveau gémissement venu d'une des cellules de torture. Markion supposa que le cycle d'électrocution venait de reprendre. Je n'avais presque plus envie d'essayer. Pendant longtemps, j'ai tenu le même rôle que lui. L'œil des Nils, le gardien des sentiers. Et je suis devenu riche. Tout allait bien. Et puis, vous êtes arrivé. Le Jedi plissa les paupières. Markion gloussa. Oh, je ne parle pas que de toi, Loden Greatstorm. Je parle de la République qui a bâti son flambeau stellaire dans mon domaine. Elle l'a envahi, se l'est approprié avec toutes ses règles, ses lois et cette liberté si particulière qui ne rend personne réellement libre. Et vous, Jedi, vous étiez toujours derrière, convaincu que tout ce que vous faisiez était juste et bon. Ma famille l'a appris à ses dépens il y a bien longtemps. Mais nous nous sommes déjà rencontrés, dit le Jedi, d'une certaine façon. La peau vert sombre de son visage glacial semblait absorber les lumières vives de la prison. « Je reconnais ta voix », précisa Loden. Markion sourit à pleines dents. « Il y a une famille de mineurs à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la ville !» dit-il en adoptant un ton faussement angoissé. « Deux parents, deux enfants, il faut aller les sauver, Jedi, vous devez le faire !» Projeté en arrière, Markion alla percuter brutalement la cloison. Son crâne s'écrasa contre le duracier. Rien ne l'avait touché, mais il savait que le Jedi était responsable. Loden s'affaissa au sol. L'effort nécessaire pour utiliser la force l'avait clairement épuisé. « Pas suffisant, » fit Markion en se tâtant l'arrière du crâne avec précaution. « Essaie encore et je tue l'un des prisonniers. » Le Jedi ne réagit pas. Comme je l'ai déjà dit, de nombreux sentiers, un seul objectif. Etzal, c'était moi aussi. J'ai envoyé l'un de mes appareils croiser la route du Legacy Run. Une nef d'orage. Il ne se doutait de rien. Il me suffisait d'un accident, d'une catastrophe. N'importe quoi pour mettre les Nihil dans le collimateur de la République. Mais pourquoi avoir fait ça ? Pour moi, tout est un outil, et tout le monde aussi, répondit Markion Rho. Et je vais me servir de ces outils, selon mes besoins. Il sourit. Un sourire de prédateur. Mais le Jedi était dangereux et il ne pouvait se permettre de l'oublier. Sa famille avait fait confiance au Jedi autrefois, et cela lui avait coûté tout ce qu'elle avait. Ils vont venir me chercher. Affirma Loden Greatstorm. Mon ordre. Et si je meurs avant ? Il inclina la tête et un mince sourire se dessina sur ses lèvres. C'est toi qu'ils viendront chercher. Markion Rho glissa une main dans sa tunique pour en tirer un objet de pierre et de métal, une sorte de sceptre long comme trois mains gravées de symboles. Des visages qui hurlaient, des flammes, des chaînes. On avait l'impression qu'il avait été fondu et reforgé. Lorsqu'il l'effleura, l'instrument émit une lumière d'une écœurante teinte violette qui parvint à surpasser l'éclairage éblouissant du pont carcéral. Cet objet portait une grande responsabilité, presque aussi grande que celle des Jedi dans le sort de ses ancêtres. Mais c'était de l'histoire ancienne, et les temps avaient changé. Il parviendrait à accomplir ce qu'eux n'avaient pas réussi. Le sceptre tiédit sous sa paume comme une chose vivante qui respirait. Il le montra à Loden qui plissa les yeux. Dans la lueur violette que projetait l'objet, le visage du Jedi semblait étrange, cadavérique. « Je n'ai pas peur de ton ordre. S'il croit pouvoir m'affronter... » Il sourit à ce Loden Greatstorm, le parfait chevalier Jedi. Si brave, sans crainte. Je les attends de pied ferme.